mais t'entends pas. Hey, c'est l'enfant du peuple et la voix du ghetto. Calmement, on représente le pur produit de notre environnement. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer. On reste vrai, on reste les mêmes. Ces territoires ennemis, on survit entre nous sans soucier de ce qui se passe ailleurs. La banlieue c'est dangereux, mais c'est pour le pire et le meilleur. On crée nos propres règles, on crée nos propres lois. C'est ce qui les fait flipper, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Citoyens, citoyennes, moi je connais pas la Marseillaise. J'écoute du ministère en froissant mon frite merguez. C'est vrai que je suis pas comme vous, et vous n'êtes pas comme moi. Appelle-moi Nec Marron, mes ancêtres sont morts au combat. Je suis pas une marionnette, cesse de me toiser bizarrement. Je représente tout simplement le produit de mon âme. Environnement. La société hérite de la jeunesse qu'elle mérite. Et l'ignorance tue comme le dit Bacardi Pitt. Parle pas d'intégration entre nous trop différents. Je resterai qu'un petit voyou envers les yeux de la France. Rien ne pourra nous changer, et quitte à déranger. On reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer, et quitte à déranger. On reste les mêmes questions. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Mais je suis trop ghetto pour cette France. D'où vient le malaise? Trop de différence de rue Casnègre à Paris 16. Je suis qu'un jeune de banlieue, noir congolais d'origine. Décidé à s'en sortir, ça dérange, j'imagine. Je peux pas la fermer, donc je suis trop contestataire. Apparemment la vérité doit pas leur plaire. Quand je pousse la chansonnette, faut que ça saigne, faut que ça pète. Faut que mon message reflète tout ce qui bouillonne dans ma tête. Je suis pas celui qui te fait la bise, celui qui white is. Qui veut stager branché du jambon plaque du showbiz. J'ai pas le temps, chez nous un lascar reste un lascar. Qu'il passe des jours, des mois, des années, je reste lucide et efficace. Comprends donc, je ne veux chasser le naturel. Je reste fidèle à moi-même. Entouré de ses sauces et proche du QG, mec, c'est ça qu'on aime. La force vient de là, j'en suis conscient. Et je m'en fous que ça dérange, que je sois un pur produit de mon environnement. On va nous changer, et quitte à déranger. On reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer, et quitte à déranger. On reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, dans chaque situation, tu me vois et tu ris jaune. Ma couleur c'est black marron. Je suis de la femme et les blindes. Big up à tous ceux qui sont down. Ma force vient du ghetto. J'ai fait mes classes dans l'underground. Soit tu les passes. Ça c'est la parole d'Ivigan. J'oublie pas mon quartier, l'avenue de la commune de Paname. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. On restera les mêmes. Un produit made in la rue. En vérité, je vous le dis. Merci aux proches, aux amis, à l'endroit où j'ai grandi. La rue a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis musicien de carrière et non pas un bandit malgré les apparences. Même si au fond c'est ce qu'ils pensent. Mon attitude reste celle d'un homme digne et c'est auprès des miens que je me positionne. Même si au fond c'est ce qu'ils pensent. Je resterai toujours celui qui gêne car c'est comme ça que je fonctionne. Hey. On va nous changer et quitte à déranger. On reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Pourra nous changer, et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer, et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer, et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Elle n'a pas de vivre une femme. Alaska reste Alaska pour la vie. Rien ne pourra nous changer. Et quitte à déranger, on reste les mêmes questions d'intégrité. Même si en Babylone, elle n'a pas de.